Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'endroit où vous situez. Bienvenue dans cette émission Forum Jeune. Forum Jeune, comme vous le savez, c'est toujours sur la radio Isanganiro chaque lundi. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer un entretien que j'ai eu avec Madame Alice Ndouimana, directrice du programme national de volontariat au ministère de la Jeunesse, Sport et Culture. Dans cette émission, elle va nous parler du programme de volontariat chez les jeunes, un programme qui vient de passer deux ans dans les trois provinces, à savoir la province de Bujumbura, la province de Ngozi ainsi que la province de Gitega. Au micro, c'est Pacifique Chubahiro dans cette émission Forum Jeune. Dans quelques instants, l'entretien que j'ai eu avec Madame Alice Ndouimana. Nous allons commencer par une présentation. Je m'appelle Ndouimana Alice, je suis la directrice du programme national de volontariat des jeunes au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Madame la directrice, vous êtes en train de piloter un projet où les jeunes volontaires pourront avoir un peu d'occupation. Pouvez-vous nous parler un peu de votre programme par rapport à ces jeunes? Le programme national de volontariat des jeunes, c'est un projet du gouvernement appuyé par le programme de développement des Nations Unies et le programme des volontaires des Nations Unies. Ce projet a commencé en 2014, donc la mise en œuvre des activités de ce projet a débuté en 2014. La durée de la phase pilote, c'est de 2014 à 2016, c'est-à-dire en temps vers la fin du projet pilote. Le programme a comme objectif principal, d'abord, la mise en place d'un cadre légal et aussi la mise en place d'une infrastructure nationale de gestion des jeunes volontaires. La deuxième composante de cet objectif général, c'est de mettre en place un corps national de jeunes volontaires à l'instar des autres pays où le volontariat est déjà ancré, parce qu'on veut travailler à l'image des autres pays où le programme des volontaires des Nations Unies qui nous appuie a déjà mis en place des corps nationaux de jeunes volontaires. Voilà, c'est 2014 à 2016, la phase pilote va bientôt finir. Et qu'est-ce qui a caractérisé cette période? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Comme réalisation de ce programme, nous avons déjà mobilisé dans trois provinces pilotes qui sont Bujumbura, communément appelé Bujumbura rural, Gitega et Ngozi. Nous avons déjà mobilisé plus de 300 jeunes volontaires qui sont au service de la communauté. Et d'abord, comment le programme travaille? Nous plaçons dans les structures d'accueil. Et par structure d'accueil, il faut comprendre les différents boulots existants dans ces provinces. Et nous demandons d'abord les besoins en main-d'œuvre. Dans les structures d'accueil, nous faisons l'identification des besoins en main-d'œuvre. Dans ces structures d'accueil, après, on fait un appel d'offres et alors, on place les jeunes volontaires selon les besoins de ces structures d'accueil et selon les diplômes requis par ces structures d'accueil. Par exemple, nous avons les trois provinces qui ont des activités un peu différentes selon la configuration de ces provinces. Qu'est-ce que ces jeunes aujourd'hui, si on peut aller dans Bujumbura, qu'est-ce qu'ils font? À Gitega, qu'est-ce qu'ils font? D'une manière générale, le programme national de volontariat des jeunes, c'est un outil transversal. Ça couvre plusieurs domaines. Mm-hmm. Oui. Donc, en fonction des besoins identifiés dans les différentes structures d'accueil, c'est là où on parvient à identifier les profils requis par les structures d'accueil et alors on fait le placement des jeunes volontaires. Mm-hmm. On est habitué à quelques-uns qui ont la chance de faire le volontariat au niveau des systèmes des Nations Unies, mais qui, au fond, les rémunérations est presque plus, même une rémunération qui va au-delà d'une rémunération d'un fonctionnaire. Comment ça se passe chez vous? Est-ce que ces gens travaillent gratuitement? Comment vous avez pensé ce projet? D'une manière générale, le volontariat, ce n'est pas un travail rémunéré, mais aussi ce n'est pas le bénévolat. On a pensé alors, à partir de cette philosophie, on a pensé à une petite somme qu'on a considérée comme frais de déplacement. On leur octroie une somme de 55 000 francs par mois. Peu importe les qualifications, c'est toujours la même somme. C'est toujours la même somme. Mm-hmm. On ne considère pas les qualifications. Mm-hmm. Oui. Après une année ou deux, peut-être une année où ces jeunes sont déjà fonctionnels, est-ce qu'ils sont toujours appliqués? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec ce projet pilote déjà? C'est notre chambre. Avec une année d'activité peut-être pour ces jeunes qui ont intégré le projet au niveau de la phase pilote, quels sont les défis? Est-ce que ces jeunes sont toujours là, ils travaillent comme ils se sont engagés au départ? Du moins, il faut que je donne une précision. J'ai parlé de plus de 300 jeunes volontaires, mais c'est par promotion. Chaque promotion, c'est 12 mois. Donc, de 2014 à 2016, on a déjà mobilisé 3 promotions. Donc, la première promotion était composée de plus de 100 jeunes volontaires. La deuxième promotion, 100 jeunes volontaires, ça 50 plutôt. La troisième promotion, c'était par rapport à la disponibilité des fonds parce qu'on les a mobilisés vers... Donc, à la fin de la phase pilote, c'était par rapport à la disponibilité des fonds. On n'a mobilisé que 50 jeunes volontaires. Mais avec, il y a un nouveau projet au Fonds pour la consolidation de la paix. Donc, c'est un projet conjoint entre le Programme de développement des Nations Unies et le FINUAP, aussi le Programme des volontaires des Nations Unies. Avec ce projet, on est en train de faire l'extension dans la province de Bujumbura-Mairie. On nous a accordé 100 jeunes volontaires dans la province de Bujumbura-Mairie et la province de Bujumbura-Rurale. Pour la province de Bujumbura-Rurale, c'est la continuité, mais en même temps, on fait l'extension dans la province de Bujumbura-Mairie. Voilà, vous êtes en activité dans une période que l'on connaît où les bailleurs, des fois, se sont désistés par rapport à leur partenariat avec le Burundi. Est-ce que votre projet ou votre programme n'a pas été affecté par cette crise? Pas comme tel. Vous parliez des défis. Les défis, c'est par rapport à la demande. La demande, c'est vraiment très élevée par rapport à l'offre. Donc, et ça, c'est le défi qu'on a en principe, mais vous demandez si nos partenaires financiers ne se sont pas désistés. Là, vraiment, c'est un projet où il y a eu signature des conventions depuis le début de la phase pilote. Vraiment, là, on n'a pas connu ce problème. Et pour ces jeunes qui font 12 mois, après, qu'est-ce que vous faites? Ils partent comme ça. Qu'est-ce qu'ils gagnent après les 12 mois de volontariat? Après les 12 mois de mission de volontariat, ils sont dotés de l'expérience professionnelle. Mais comme je le disais au départ, l'objectif, c'est bon. À entendre que les jeunes travaillent 12 mois, certaines gens pensent qu'il s'agit d'un stage. Pas du tout, ce n'est pas un stage. Parce que même au niveau du ministère, il y a un autre programme dénommé Agence burundaise de l'emploi des jeunes. Donc, à la différence de ce programme, donc Agence burundaise de l'emploi des jeunes, nous, après les 12 mois de dotation de l'expérience professionnelle, on fait 3 formations autour de la mission de volontariat. Au début, les jeunes font un séminaire d'intégration. Au milieu, on leur donne des formations qui sont en rapport avec l'autonomisation. Donc, ils sont dotés de formations au milieu de cette mission de volontariat pour donc leur autonomisation après la mission de volontariat. Quitte à ce qu'après, même si la mission est terminée, on continue à les retrouver ensemble. Par exemple, il y a un fonds qui a été destiné aux jeunes, fonds de soutien au bénévolat associatif. C'est-à-dire que lors de la mission de volontariat, on dote aux jeunes de trois rôles. Il y a le rôle un jeune doit être considéré comme leader, en même temps il doit être volontaire, mais en même temps il doit être responsable. Donc on les forme à être les mobilisateurs de leur père dans les communautés. C'est-à-dire même après la mission de volontariat, ils continuent donc à mobiliser leur père pour les initiatives de développement et de cohésion sociale. C'est-à-dire, on a tendance à faire une base de données, quitte à ce que, même après la mission, on continue vraiment à les mobiliser autour des initiatives de développement et de cohésion sociale. Pour les jeunes qui nous écoutent, des autres provinces peuvent penser, mais à quand notre tour? Bon, ça c'est vrai. Ils ont tendance à penser à quand notre tour, c'est vrai. Vous voyez le chômage qui va grandissant dans notre pays. Je sais que les jeunes ont vraiment soif que ce projet atteigne les autres provinces. Mais cela, ça dépendra. On est en train de faire la mobilisation d'autres partenaires. Bien que le projet soit vers la fin de la phase pilote, mais nous travaillons vraiment assidûment ces derniers jours pour la mobilisation d'autres partenaires financiers. C'est-à-dire que même si on tend vers la fin de la phase pilote, on est en train de penser comment faire l'extension dans d'autres provinces. Mais la phase pilote suppose que le projet devrait cette fois s'éteindre pour c'est d'autres ça, parce provinces. Que, il y a même quelque chose que j'avais oublié. Il y a même, je l'avais souligné au début, donc l'objectif même du programme, c'est de mettre en place un cadre légal. Donc, le projet de loi, l'avant-projet de loi est maintenant disponible pour... soumission aux différentes instances, donc aux différentes étapes de la chaîne législative. Donc, on attend l'adoption par le Parlement parce que je crois bientôt ça sera programmé au Conseil des ministres. Et après, vous voyez toute la procédure de la chaîne législative. Nous espérons qu'avec la mise en place de la loi cadre et aussi avec la mobilisation d'autres partenaires financiers, il y aura extension dans d'autres provinces. Justement, par rapport à ce projet de loi, les gens peuvent se demander est-ce que ça vaut la peine qu'il y ait une loi pour organiser les jeunes? Bon, ce n'est pas une loi pour organiser les jeunes, c'est une loi sur le volontariat national. Oui, parce que même dans d'autres pays, à voir l'expérience des autres pays, il y a un cadre légal pour le volontariat national. Oui. Quelle est la plus-value de cette loi? La plus-value de cette loi, j'ai dit que un jeune volontaire ne peut pas être considéré comme quelqu'un exerçant un travail rémunéré. Donc, il n'est pas aussi un stagiaire. Donc, ils doivent avoir vraiment un statut propre. Oui. Et aujourd'hui, alors, où est-ce que vous mettez les efforts dans cette dernière phase pilote? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour le moment? Pour le moment, la première chose, c'est que la loi soit vraiment disponible. Et aussi, on est en train de faire la mobilisation d'autres partenaires, comme je disais. Ah oui, non, c'est ça. Oui. Mais tout de même, il y a toujours ce problème de chômage chez les jeunes. Vous avez évoqué le travail de l'agence burundaise pour l'emploi qui facilite les stages pour les jeunes. Quel est notre projet qui vise justement l'intégration professionnelle des jeunes aujourd'hui en chômage? Bon, je ne peux pas parler d'autres projets comme tels, mais comme projet vraiment qui. Le ministère a l'ambition de vraiment de chercher toujours des solutions en faveur des défis des jeunes. Mais pour le moment, il y a d'abord la Direction générale de la jeunesse qui vraiment fait tout pour trouver des solutions aux défis auxquels fait face la jeunesse burundaise. Il y a aussi cette agence burundaise de l'emploi des jeunes et comme le ministère cherche toujours les solutions aux défis auxquels fait face la jeunesse burundaise, c'est dans cette optique que le programme national de jeunes volontaires a été mis en place pour être complémentaire. Parce que, comme vous le savez, le chômage est un problème très épineux ces derniers temps. Mais il y a d'autres projets, peut-être dans d'autres ministères, peut-être dans d'autres institutions, en tout cas dans le ministère. Au niveau du ministère, vous vous attelez à aider les jeunes à retrouver l'emploi. Est-ce que c'est la seule solution pour les jeunes de quitter le chômage? Justement, ce n'est pas la seule solution aux jeunes de quitter le chômage. C'est pourquoi même au sein du Programme national de volontariat des jeunes, on essaie de rassembler les jeunes. J'ai parlé de formation en rapport avec leur autonomisation. Si les jeunes sont ensemble, ils vont trouver des solutions. Ils vont avoir des formations en entrepreneuriat. C'est ça la vision du ministère de la Jeunesse. Donc, on cherche toujours à leur octroyer des formations en entrepreneuriat. Donc, à travers le programme national de volontariat. Alors, s'ils sont ensemble, on leur octroie des formations en rapport avec l'entrepreneuriat. On leur cherche des microcrédits. Alors, à partir de ce moment, s'ils sont ensemble, ce problème d'être désœuvré, de passer toute la journée au Lingala, c'est résolu à travers ces groupements où ils vont parler de leur autonomisation. Je vous donnerai par exemple l'exemple de jeunes volontaires de la province d'Ngozi, le cas le plus frappant. Donc, ils se sont mis en association. Ils ont formé une association des jeunes volontaires. Bon, ils ont acheté des porcs. Donc, ils se sont attelés à l'élevage de porcs, aussi à l'élevage de poules. Ils ont aussi créé un salon de coiffure où eux-mêmes donnent maintenant de l'emploi. Donc, par exemple, avec l'élevage des porcs, ils donnent des porcs à la population environnante. Et comme ça, donc ils sont en train de créer de l'emploi dans la communauté. Comme ça, ils sont déjà conscients que eux-mêmes doivent créer de l'emploi au lieu de croire que c'est la fonction publique qui leur donnera de l'emploi. Quel est le conseil que vous donnez à ces jeunes qui sont aujourd'hui au chômage, qui voudraient avoir un emploi? Le conseil qu'il faut donner aux jeunes aujourd'hui, c'est de s'atteler aux activités en association parce que, étant seul, en tout cas, même en Kirundi, on dit que mais si ils sont en association, ils peuvent vraiment, ils peuvent même avoir facilement des microcrédits. Et comme ça, ils commencent à s'atteler aux activités de leur autonomisation. Oui. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie, madame, pour avoir répondu à cette invitation dans l'émission Forum Jeunes. Merci à vous aussi. Même la fois prochaine, n'hésitez pas à m'inviter. Je vais me disponibiliser.